بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc la dernière fois on avait pris une muqaddima présentant brièvement cette risala et كذلك un petit rappel à son auteur. D'accord, l'auteur de ce livre, qui est un savant salafi contemporain, Cheikh Yahya ibn Ali Hajouri, hafizahullah ta'ala. Donc, l'yom sanabda, inshallah, fil kitab, mbasharatan. Et on avait rappelé également que ce kitab, de base, a été les enfants, d'où la muqaddima que le Cheikh il a fait, en citant les hadiths, où Yaqub recommande ses enfants d'adorer après sa mort la divinité qu'il adorait lui-même. Puis le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Ibn Abbas le tawakkul, pour dire que les enfants, il faut leur apprendre la religion dès le bas âge. Mais ce qui est valable pour les enfants, taba'an, sera également valable pour les adultes. Et principalement, les gens qui sont au début d'apprentissage. Fadal Kitab Yunasib, ce livre est approprié. Fayaqul a également, j'ai oublié de préciser, ce livre se présentera sous forme de questions-réponses. L'auteur demande, puis vient avec la réponse, puis la preuve de la réponse. Alors là-bas, c'est simple. C'est la question pour qu'elle reste dans ton esprit. On avait expliqué dans Sul Salafa que c'est une méthodologie prophétique, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça avec ses compagnons, parfois il les interrogeait. Et c'est une très bonne méthode pour enseigner, car cela amène le talib, parce qu'on a plein de poser une question, à se concentrer et écouter. Ça rentre mieux. Et la réponse est censée être courte. Puis le dalil qui va avec. Le verset ou le hadith. Kitab wa sunnah, c'est ça. La religion elle est facile, en réalité. C'est du fait que beaucoup de gens soient rentrés dedans et se sont mis à diverger avec les innovations et autres, que cela l'a rendu plus compliqué et a rendu la vérité plus dure à distinguer pour des gens. وَإِلَّا فَدِّينَ يُسْرٌ. La religion est facile. قَالَّا كَالرَّسُولِ. Allah, Azza wa Jalla, dans son livre, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et on comprend cela de la façon dont les compagnons l'ont compris. C'est tout. مَا أَسْهَلَ هَذَا الدِّينَ وَأَمَّا أَجْمَلَ هَذَا الدِّينَ. Cette religion est très facile et elle est magnifique. نعم. فَقَالَ فِي السُّوَلِ الْأَوَّلِ إِذَا قِيلَ لَكَ Man khalaqa. S'il t'est dit, qui t'a créé? Première question qui est la plus importante. Qui t'a créé? Quand même, c'est une question que tu peux poser à n'importe quelle personne. Enfant ou adulte. Qui t'a créé? Car l'être humain est une créature. Et qui dit créature, dit qu'il y a un créateur. Tu n'es pas venu tout seul. Tu ne t'es pas créé toi-même. Donc, comment tu es apparu ici sur Terre? Pas la soul. Man khalaqak. Donc, si tu demandes qui t'a créé, faqul khalaqani Allah wa khalaqa jami' al-makhluqat. Tu dis c'est Allah qui m'a créé. Et qui a créé toutes les créatures. Tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a fait. Car il n'y a qu'un seul créateur. Pas deux, pas trois, pas quatre. Un seul. Et d'ailleurs, ça, les gens le savent. Même les athées, qui ne croient pas, comme ils disent, en Dieu, savent que ils vont croire en une chose qu'ils vont appeler différemment. Ils vont dire la nature, ils vont appeler ça l'évolution, ils vont appeler ça je ne sais comment. Mais ils savent qu'il y a une chose qui fonde tout, qui crée tout. Une seule. Une seule. Cependant, eux ne la conçoivent pas comme un créateur, comme nous on le voit, avec des noms, avec des attributs, avec des noms et autres. Et ne croient pas au fait qu'il a envoyé des messagers, qu'il a fait descendre des livres, et le valika. Ils ne veulent pas y croire. Mais ils savent que tu n'es pas venu comme ça sur Terre tout seul. Non. Donc il dit c'est Allah qui m'a créé ainsi que l'ensemble des créatures. Toutes les créatures. C'est quoi le dalil? C'est quoi la preuve? Allahu khaliq kulli shay'in. Allah est le créateur de toutes choses. Tout simplement. Sourate Az-Zumar, verset 62. Et ça, c'est une chose qui est évidente. Donc l'enfant, dès le début, tu lui apprends cela. Qui t'a créé? Et tu lui apprends le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, as-sual thani. Deuxième question. Iza qila lak, man rabbuk. S'il t'est dit, qui est ton Seigneur, ton souverain? Faqul, Allahu Rabbi wa Rabbu kulli shay'in. Dis, c'est Allah qui est mon Seigneur et le Seigneur de toutes choses. Ad-Dalil. Maman, Ad-Dalil. C'est-à-dire quoi, Ad-Dalil? Andak. Dalil. Ouais, c'est quoi un dalil? Ça veut dire quoi un dalil? Je veux un dalil sur des choses. Ça veut dire quoi un dalil? Un dalil sur quelque chose. Ouais. Ça veut dire quoi un dalil? Vérité. Non. Vérité, c'est haqq. Le mot dalil, ça veut dire quoi? Aïe, voir sainte. On pourrait dire également indication. Parce que dalla yadullu, c'est une chose qui indique également. Par exemple, un dalal, quelqu'un qu'on appelle un dalal, ça peut être un guide. Ça peut être quelqu'un qui te dirige. Et ça peut être également le sens de prouver. D'accord, hada yadullu ala kaza kaza, cela prouve telle et telle chose. Et dalil, il vient de là. La racine dal et de lem, lem lem. Ils sont mis ensemble, ça fait une shadda. Dal yadullu, c'est ça le verbe. Et dalil, ça vient de là. Vous voyez, dalil, ça vient de là. Donc là, il dit dalil. قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. Dis, désirerais-je un autre qu'Allah pour Seigneur alors qu'il est le Seigneur de toutes choses. وقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et les adillah, adillah c'est le jam de dalil. C'est le pluriel, le dalil. Les adillah ala dhalika kathira. Les preuves qui indiquent Allah c'est le Seigneur sont très nombreuses dans le Coran. Là, le but c'est quoi? C'est pas de tout retenir. Si tu arrives à retenir déjà une preuve, alhamdulillah takfi, elle suffit. Un enfant, tu vas pas lui faire apprendre 10 000 choses à la base, un débutant non plus. Tu vas apprendre les choses basiques parmi les versets les plus connus, les plus entendus. Lorsqu'il l'entend, c'est-à-dire même s'il oublie à force de l'entendre, par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, fi ay surah, dans quelle surat? Ayah. Il le répète tout le temps. Donc il s'en rappelle, il ne pourra pas l'oublier. Tu vois? Il ne pourra pas l'oublier, bismillah. Donc, Ar-Rab ou Allah. Et Ar-Rab, lorsqu'on met Alif ou Lam devant, et après qu'elle les mette Rab, Ra et deux baies ensemble, ça fait une shadda, ça fait un rab. C'est un nom que l'on donne que à Allah, avec le L. Ar-Rab. On ne nomme personne d'autre avec. Par contre, le mot rab, s'il est, comme on dit en français, en arabe, mudaf, il est makhlouq, min makhlouqat, qad yutlaq ala ghayrillah. Maintenant, si le mot Rab, il est, comme on dirais-je, on lui donne une connotation d'appartenance à une créature, cela peut être employé pour autre que Allah. Mathalan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a vu un jeune dromadaire venir et qui pleurait. Et qui s'est plaint auprès de lui. De ce que son propriétaire devait subir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man rabb hadhal jamal. Qui est le propriétaire de ce chameau, au dromadaire? Souvent on dit chameau, en fait c'est dromadaire en réalité. Chameau, c'est celui qui a deux bosses. Une bosse, c'est dromadaire. Al jamal, c'est dromadaire. Ce qu'il y avait à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était une bosse. Pas deux. Souvent, même moi, je vous dis ça, je suis premier à m'embrouiller, à voilà, on sait de quoi on parle. Hein, mais si on s'est compris. Et donc il a dit man rabb hada al jamal, en sens qui est le propriétaire, car rabb ça peut dire seigneur, souverain, propriétaire. Rabb al-Bayt, c'est le propriétaire de la maison. Et nous, on appartient à qui? À Allah. Donc, il est notre souverain, et nous sommes ses sujets, et nous sommes sa propriété. Cependant, le mot, quand on parle d'Allah Azzawajal, on ne dit pas par propriétaire. Mais le sens, il est là. On lui appartient. Et le fait qu'Allah Azzawajal soit notre Seigneur, c'est une chose qui est innée en nous. Al-fitra, qu'on appelle la nature première. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ذُهُرِيمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَإِذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ذُهُرِيمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Parce que ton Seigneur a pris l'engagement envers les fils d'Adam alors qu'ils étaient encore dans l'ère de Adam. Comme l'avait parlé le frère Wahbi il n'y a pas longtemps. On n'était pas encore présent sur terre comme on est maintenant. Mais on existait déjà. Et que Allah, il a pris l'engagement, Alastu bi rabbikum, je ne suis pas votre Seigneur. On l'a tous dit, si. Et cela en guise d'argument contre nous, que Yom al-Qiyamah, on ne dise pas, on ne savait pas. C'est-à-dire, la Ar-Rububiyya, vous voyez, on appelle Ar-Rububiyya, la souveraineté d'Allah Azzawajal, elle est innée en nous. Tout être humain a ça en lui. Seulement certains veulent se le faire oublier. Mais c'est là en nous. Maintenant, ça ne suffit pas, cette shahada, pour faire des croyants. Il y a d'autres choses à connaître. Mais Ar-Rububiyya, c'est une chose que tu trouveras normalement chez tout être humain. Et qu'on sera interrogé au même pour se dire qu'on n'a pas le Seigneur. Les athées en premier, ils seront interrogés par rapport à ça. Et ils ne pourront que reconnaître à ce moment-là qu'ils ont un Seigneur. Wa yaqullahu azza wa jal, en parlant des Ahl al-Kitab, wa attakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qu'ils ont pris leur moine ainsi que leur rabbin, arbaban, c'est le djem, arbab, c'est le djem de rab. C'est le pluriel. Arbab, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur moine et leur rabbin comme seigneur. Il y a des gens qui les contrôlent, des gens qui ont autorité sur eux, des gens qui légifèrent les choses. Ça c'est halal, ça c'est haram. Et ça ne revient que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont pris leur moine et leur rabbin comme seigneur. Taïeb, donc le fait de légiférer et d'instaurer des lois, ça rentre dans Ar-Rububiyya et ça rentre dans Al-Uluhiyya. Ça rentre dans les deux. Mais quand on obéit autre que Allah Azzawajal, au Coran halal, ce qu'Allah a rendu haram, ou autre, en obéissant à quelqu'un, d'accord, on en fait un rab, on en fait un seigneur. Même si quelqu'un dit non, Seigneur c'est Allah, en faisant ce que tu fais là, ça c'est une chose qui revient à Ar-Rububiyya, Ar-Rububiyya, donc t'en as fait, Allah l'a dit, t'en as fait un seigneur. Si Allah c'est souverain, c'est lui qui doit obéir, et pas à cette personne-là. Si Allah te dit ça c'est haram, et lui te dit c'est halal, celui à qui tu veux obéir, c'est-à-dire en est en croyance que cela est, comme on t'a dit, ça sera lui ton seigneur. D'accord? Ça sera lui ton seigneur. Taban. On halal le haram en sachant. C'est du kufr. Et les Al-Kitab, ils ont écrit ça dans ce beb-là. Qu'ils ont des choses dans leur livre qui étaient écrites comme étant haram, et leurs religieux ont dit c'est halal. Ils ont suivant cela. Et des choses dans leur livre qui étaient haram, et leurs religieux ont dit c'est halal, et le contraire, ils les ont suivis en cela. Vous voyez? Non. Wa kama qala ta'ala, qul ya ahl al-kitab, تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينهم وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Allah il a dit quoi? De dire à son prophète d'appeler les gens du livre et leur dire: ô gens du livre, venez une parole égale entre nous et vous, qu'on n'associe rien à Allah et que aucun d'entre vous ne prenne un autre comme seigneur. On ne se prend pas les uns les autres comme seigneur en dehors d'Allah. Car eux, c'est ce qu'ils ont fait. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَكُلُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Et si jamais se détourne, dit, témoignez que nous sommes du nombre des soumis. Donc le Rab, c'est Allah Azzawajal. C'est notre Seigneur. Et dans Sul Salasa, on avait dit, Ar-Rab bi ma'na al-Ma'boud. C'est le sens de l'adorer également. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dans le Coran, Allah il a dit, et ça c'est le premier ordre dans le Coran qui est venu. Premier ordre. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, et ceux d'avant vous. Quand même. Et on a pris dans le sourate Al-Asr que, avec la suite du verset, il a dit, Mukathir, Al-Khaliq li-hadhihi al-ashya wa al-mustahiq lil-ibada. Celui qui a créé ces choses-là, qui suivent dans le verset que j'ai pas lu là, pour pas trop allonger, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite l'adoration. Donc le Seigneur, c'est l'adorer également. Quand même, c'est créateur de toutes choses. Et celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui mérite d'être adoré. Non. Summa qal, après qu'on ait su qui t'a créé, après que tu aies su qui est ton Seigneur, question maintenant importante qui coule de source. إذا قيل لك لماذا خلقك الله. Pourquoi est-ce que Allah t'a créé? Car ça a bien un sens. Tu as été créé, tu es un Seigneur. Il veut quoi de toi? Pourquoi est-ce qu'il t'a fait exister? Quand tu vois le monde comme il tourne en harmonie, tout est à sa place, tu dis, ma place à moi, c'est laquelle? Est-ce que c'est de faire pousser des arbres? Les arbres, ils poussent tout seuls sans nous. Est-ce que c'est de nourrir des animaux, les élever? Les animaux sans nous, ils se débrouillent tout seuls. Est-ce que c'est de faire telle et telle chose? La terre, ce qui se trouve sur terre, sans nous, ça se débrouille. On est les derniers à avoir été créés sur terre. L'être humain était arrivé sur terre en dernier. La terre, la nature, qu'on appelle, n'a pas besoin de nous. C'est nous qui en avons besoin. Et Allah l'a créée pour qu'elle soit à notre service. D'accord? Dans ce qui est halal. Et là-bas, c'est tout est halal. Donc, on n'a pas une preuve du contraire. Là-bas, sur terre, c'est que tout est halal. Hein? Donc, ces choses-là, en réalité, n'ont pas besoin de nous. Donc, pourquoi on est là, nous? Pourquoi on existe? Il dit, قُلْ خَلَقَنَا لِعِبَادَتِي. Il nous a créés pour son adoration. Allah Azza wa Jal nous a créés pour son adoration, pour qu'on l'adore. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et قال ابن عباس في تفسير هذه الآية أن يوحدوني. C'est-à-dire pour qu'ils m'unifient dans l'adoration. Donc maintenant on connaît le sens de l'existence. Ce qu'on appelle des mukallafin. On les appelle thaqalayn, kadhalik, en arabe. Thaqalayn, c'est-à-dire les deux genres de créatures sur lesquelles pèsent les charges religieuses. Ceux qui ont des obligations à remplir et des interdictions. Et qui seront rétribués pour cela et qui auront droit au jannah ou au feu. Deux formes de créatures. Les hommes, les humains, fils d'Adam, et les djinns, enfants de Iblis. Et eux, ils étaient là avant nous. Allah a créé les djinns avant les hommes. Allah Azza wa Jal a créé les djinns avant les hommes. Comme vous savez, quand Adam était créé, Iblis était là. Et c'était un djinn. Après, il y a un khilaf, est-ce que c'était le djinnah qui était aux cieux ou sur terre? Ce qui apparaît, c'est que c'est aux cieux. Mais il y a des ulama, ils ont des preuves qui sont très très fortes qui montrent que ça pouvait être aussi se passer sur terre. Allah. Dans un lieu élevé, mais sur terre. Al-Muhim, Iblis était là avant nous. Il était là avant Adam. Quand même, donc, le djinn était là également. Car, Iblis, qui a amené le djinn, ce n'est pas un ange déchu. Comme disent beaucoup de gens. Et je crois qu'il y a un sahabi qui a dit ça, mais c'est une erreur de sa part. Ouais, qui a amené le djinn. Allah Azza, il l'a bien dit. Ouais, il a dit, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارْ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ. Tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé de terre. Et les malaïka, les anges, ont été créés de lumière. Donc, Iblis n'est pas un ange. Et pas un ange déchu. Ça, c'est ce qui est écrit également dans le livre, dans la Bible. Que c'était un ange déchu. C'est-à-dire, c'était un ange avant, et après, il est devenu ce qu'il est devenu. Tu vois? Exactement. Malaïka, il n'obéit pas à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est également une preuve. Mais il avait un haut rang à l'époque, Iblis. Il était au milieu des malaïka ce jour-là, et Allah savait ce qu'il y avait en lui. Vous voyez? Il a dit aux anges, inni a'lamu ma la ta'lamu. Je sais que vous savez pas. Dans le sens que, lorsqu'il a dit à, aux malaïka de se prosterner devant Adam, ils l'ont tous fait sauf Iblis. Et Allah savait qu'il voulait pas, qu'il y avait en lui du kibre, de l'orgueil. Mais il a voulu montrer aux malaïka. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé comme vous le savez. Non. Donc on a été créé pour cela. Pour adorer Allah Azzawajal. Azzaw. Wa al-ibada, l'adoration. Ya royat al-mahabba wa dhul. C'est le summum de l'amour et de l'humiliation. La chose que tu aimes le plus et pour laquelle tu t'humilies. Ce que tu aimes plus que tout et pour laquelle tu t'humilies. Et كذلك ذكرنا هذا مرارا كما قال الشيخ الإسلام العبادة واسم جنس لكل ما يحبه ويرضى من الأعمال والأقوال أو الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Que c'est un mot d'ensemble qui regroupe tout ce que Allah Azzawajal, il aime comme parole et comme acte. Acte apparent des gestes des membres ou caché comme les actes du cœur. Et dans Usul Salasa, on a cité certains actes du cœur comme la peur, l'amour, l'espoir. Et ces actes du cœur engendrent des actes derrière. Quand on a peur, on agit d'une certaine façon. Quand on espère, on agit d'une certaine façon. Quand on place sa confiance, on agit d'une certaine façon. Donc ça va ensemble. Donc quand tu fais une chose que Allah Azzawajal, il aime, et tu le fais pour lui plaire, c'est une ibada. Parmi elles, certains qui sont imposés, qui sont obligatoires, et décrétés, comme la salat, comme les piliers, et d'autres qui sont légiférés en mesure de l'attention qu'on a, comme on a déjà parlé, un acte qui est commun de base, tu peux en faire une adoration, si jamais tu l'as fait pour plaire à Allah, Azzawajal, et tu mets ni une intention de t'approcher de lui. Ça devient une adoration. Donc elle a été créée pour ça. Et comment est-ce qu'on connaît ce que Allah il aime, ce qu'il n'aime pas? Dans son livre. Quand il donne un ordre, c'est que c'est une adoration, faut le faire. Quand il interdit une chose, c'est qu'il ne l'aime pas, faut la délaisser. Et délaisser est une adoration. Pourquoi tu délaisses? Par peur d'Allah et pour lui plaire. Vous voyez? Et également, quand Allah Azzawajal fait l'éloge d'une chose dans son livre, un acte. Quand il le vante un acte, ça veut dire qu'il l'aime. Et le fait qu'il l'aime ne veut pas forcément dire qu'il te l'impose. Mais si tu sais qu'il l'aime, fais-le, quand tu peux le faire. Parce qu'il est légiféré, parce qu'il a cité des actes des gens du livre d'avant nous, qui l'aimaient, mais qui ne sont plus légiférés pour nous aujourd'hui. Alors, mais faire comprendre que ces gens-là, avant nous, étaient des croyants également. Parmi ceux qui ont suivi leur prophète. Donc il nous appelle à agir comme eux, c'est-à-dire à faire ce qu'il aime. Et il y a des choses qui sont unanimes, que eux faisaient et qu'on fait aujourd'hui encore. Non. ثم قال إذا قيل لك ما دينك. S'il te dit quelle est ta religion. فقل ديني هو دين الإسلام الحق. Dis ma religion est l'islam. La vérité. والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. La parole, la preuve, c'est la parole d'Allah, c'est ce qu'il dit. Certes, la religion acceptée, on va dire même la seule religion acceptée désormais, c'est l'islam. وقوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Il est celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Et là, il y a un ibizalika Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Là, dans ce verset-là. D'ailleurs, ce qui est voulu par là, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقولوا تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, ça ne sera pas agréé de lui. Ce ne sera pas accepté. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Quoi qu'il ait fait. Quoi qu'il ait fait, il n'a pas été sur l'islam, c'est mort pour lui. Il n'aura rien. Il va rien en tirer au Qiyam. Donc la seule religion acceptée auprès d'Allah Azzawajal, c'est l'islam. Et l'islam, Al-Am, celui sur lequel tous les prophètes étaient, ou Al-Islam ou Lillah bi-Tawhid, والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والخلوص منه ومن أهله. C'est la soumission totale à Allah par le tawhid et l'assujettissement par l'obéissance et le désaveu du shirk même et le fait de s'en débarrasser et le désaveu également des adeptes du shirk. Ça c'est l'islam âm général sur lequel étaient tous les prophètes. Les prophètes étaient tous des musulmans. Ils étaient tous des musulmans. Les musulmans, ça veut dire soumis. Le mot musulman, c'est un mot qui n'a pas de sens. C'est un mot, musulman, il n'a aucun sens. Ça veut rien dire du tout. Si on dit je suis musulman. Nous, on sait ce que ça veut dire en français. Il y a le sens. Mais c'est un mot, à la base, il n'a aucun sens. On ne sait même pas d'où il vient. À la base, c'est musulman. En arabe, musulman, ça veut dire quoi? Soumis. Qui vient du mot islam. Le tiers du mot islam. Musulman, il vient de quel mot? La religion, on l'appelle comment en français? On l'appelle musulmanisme. Non, c'est ça. Eh ben voilà. Mais qui a inventé musulman? Justement, on sait pas. Donc, faire attention. On sait pas qui a inventé ce mot-là. Mais c'est pas un mot qu'Allah Azzajal nous a donné. Wallazi samakum muslimin. Il est celui qui vous a appelé les musulmans. Soumis. Et musulman, en arabe, ça a un sens. Ça veut dire soumis. Musulman, c'est un mot, il n'a pas de sens. Dire à quelqu'un, ça veut dire quoi, musulman? Il va dire, celui qui fait, pratique l'islam. Non, mais ça veut dire quoi, le mot lui-même? C'est quoi son sens linguistique? Bon, il ne pourra pas te dire. Tu vois? On va pas te dire. Même juif, c'est un mot qui n'a pas de sens. À la base, c'est Yahoud en arabe. Qui vient de Hada Yahoud, où c'est un sens qui veut dire revenir. Et Nasara, également, c'est un mot qui a un sens. Qui veut dire secoureur. Chrétien, ça n'a aucun sens. Bien que ça a une chose qui veut dire le fait de suivre le Christ. Et le Christ, ce qui revient au Christ, en français, c'est le Messie. Et en arabe, le Messie, on l'a. Et Messie, en arabe, ça a un sens. Messie, ça a un sens. Après, il y a différentes interprétations, mais ça, les mots arabes, ils ont un sens. Les mots en français, ils n'ont pas de sens. On ne sait pas d'où ils viennent. Donc, en réalité, toi, quand tu parles, tu dis, je suis musulman. Maintenant, quand tu dis musulman, on sait ce que tu veux dire par là. Mais si tu regardes bien, tu dis ce mot-là, il est inventé par qui? Il est désigné, qui désigne? Va aux États-Unis, par exemple, et dit, en anglais, emploie le mot musulman. Il va te faire des yeux, dire, tu dis quoi, toi? Je connais pas ce mot-là. Dis musulman. D'accord, j'ai compris. Parce qu'ils disent musulman en anglais. Ils disent pas musulman. Même en anglais, ils prononcent pas le mot musulman en anglais. Ils disent musulman. I am muslim, ils disent les anglais, les anglophones. Dans plein de pays, ils disent musulman. C'est nous seulement, des pays, on va dire, tu vas trouver ça, francophone, et je crois hispanique, je crois, ils disent aussi. Et je crois des Russes, il y a des frères russes qui m'avaient dit qu'ils disent, les deux disent musulman et musulman. Mais sinon, dans d'autres pays, ils disent tous musulman. Tu vois. Donc c'est une appellation à la base, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de sens. Tu vois. Si on devait franciser, comme ils ont fait, christianisme, c'est chrétien. Judaïsme, c'est juif. Tu vois. Donc, islam, ce serait quoi? Ce serait quoi le mot qui viendrait? Selon les si on reste dans les règles, ça serait quoi? Islamiste. Voilà. Et en réalité, j'ai lu un article où Zemmour dit que le mot islamiste, à la base, il n'existe pas, il était inventé pour faire justement christianisme chrétien. Judaïsme, juif. Donc, islam, islamiste. À la base, l'islamiste, selon la langue française, c'est le musulman. Mais ils ont donné une connotation de mauvaise pour dire c'est celui qui, au nom de l'islam, qui fait du mal. Tu vois? Mais ce mot-là, islamiste, il n'a aucun sens également. On dit, je suis musulman. Et parmi nous, t'en as qui font du bien, t'en as qui font du mal. Mais le mot islamiste, ça, c'est un mot qui est propre au français seulement. Et c'est un mot qui n'a aucun sens aujourd'hui, qui veut diaboliser les gens de l'islam, c'est tout. Tu vois? Mais c'est un mot, il sert à rien du tout. Quand tu sais quoi un islamiste? Parce qu'il y en a dedans les salafis, il y en a dedans les khawarij, il y en a dedans les ikhwan, il y en a dedans les tabir. Dis, machallah, c'est un peu cocktail, là, l'islamiste. Tu vois? Ou celui qui s'est, c'est un homme qui s'est, mis droit il y a quelques jours, mais qui est parti faire je ne sais quoi. Islamiste. Là, on est tous dans le même paquet, en fait. Dès que tu vas être sur ton dîne, t'auras un peu d'accroche à ton dîne, même si t'es un innovateur, ils vont t'appeler islamiste. Voilà. En gros. Naam. Tayyib. Eliom, sanaktafi bihaza. Dja wakt al maghreb. Donc, on retient ces quatre questions. Qui t'a créé? Et qui est ton Seigneur? et pourquoi tu as été créé et quelle est ta religion. طب من هذا فإلى هنا والحمد لله رب العالمين. Moi aussi, ouais. Il parle beaucoup des frères musulmans. Il ne parle pas des frères musulmans. Mais ça, c'est une secte ou pas ? Quoi ? Qui est un frère musulman ? Bien sûr que c'est une secte. C'est une secte égarée, les frères musulmans. Car ce sont des gens qui ne suivent pas le Coran et la Sunna avec la compréhension des Sahaba. Mais ça, il y a beaucoup en Égypte. Ouais. Dans le monde entier, il y en a beaucoup.